Sors du comico, lâche dans la poche. J'rappe sur une face B, rentre à la tête. J'récupère mon stand, j'vais chez la Norris. Pour rembourser ce qu'on a pris, y'a pas d'assurance touriste. On était petits, on le savait pas, on a grandi, on a tout pris. J'suis dans mon coin, mais j'attire les problèmes, les gardiens. Et toi, tu veux que diviser? Mais t'inquiète pas que j'ai tout pigé, j'ai les épaules, je les gonfle pas. J'fais pas le trompeur, mais j'suis trompeur, toi, pied de mes combats. J'tourne en rond comme un trompeur. Ce que j'ai donné, j'ai pas compté. Ce que j'ai fait, j'ai pas raconté. Bizarre aujourd'hui, toi t'es de mon côté. J'suis solide comme le papa. Frérot, tu sais bien qu'on est capable. Et ouais, j'suis solide comme le papa. Tu sais bien qu'on est capable. Touche à la mise, ça fait pas papa. Premier dans les top et les papa. J'suis solide comme le papa. Frérot, tu sais bien qu'on est capable. Touche à la mise, ça fait pas papa. Premier dans les top et les papa. J'suis solide comme Turc en guerre. J'ai des choses à faire avant qu'on m'enterre. C'est des deux mères, j'finis solitaire. T'as rien à me dire, je sais comment faire. Fais un deck qui saute par là-bas. C'est du bon taga, ça vient de Malaga. Tu sais bien allumer la mèche. Mais quand y'a Adra, t'es jamais là, toi. Moi, ça me plaît de rester dans l'ombre. Et si on me demande, j'y suis pas là. T'inquiète pas pour ça, moi j'ai le bras long. Le bonheur est en escalade. Grosse équipe, on tourne sur Paname. Toi tu mérites même pas mon salam. Frère, je les écoute puis leur salade. De toute façon, moi je vais finir solo. Et ouais, je suis solide comme le papa. Tu sais bien qu'on est capable. Touche à la mise, ça fait pas papa. Premier dans les top et les papa. Je suis solide comme le papa. Frérot, tu sais bien qu'on est capable. Touche à la mise, ça fait pas papa. Premier dans les top et les papa. Dans notre cœur on a serré. À deux doigts de se faire déférer. De toute façon moi je vais finir solo. Gros dans notre cœur on a serré. À deux doigts de se faire déférer. De toute façon moi je vais finir solo. Et ouais je suis solide comme le papa. Tu sais bien qu'on est capable. Touche à la mise ça fait pas papa. Prenez dans les top et les papa. Je suis solide comme le papa. Frérot tu sais bien qu'on est capable. Touche à la mif, ça fait papa, papa. Premier dans les top et les papa, papa. C'était le spin de Tchadja et Ginaz. Vous venez passer 54 minutes dans notre cage. Sachez que nous sommes tous enfermés. Mais comprenez que vous êtes la clé. Merci la mère.